Léonard de Vinci rencontre les philosophes, aujourd'hui, la Joconde. Je me suis fait faire 3 millions de Jocondes sur papier cul. Et chaque matin j'emmerde son sou. Rire ambigu. C'est ainsi que je me venge de toutes les nanas qui m'ont baisé avec leur sourire de Mona Lisa. Bonjour Yann Blanc. Bonjour. Je me suis fait 3 millions de Jocondes, chante Gainsbourg. S'il est un tableau qui a été étudié, épluché, décortiqué, analysé, suranalysé par les historiens de l'art, les amateurs, les critiques, les écrivains, c'est bien la Joconde. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire sur ce tableau ? Peut-être revenir au tableau lui-même. Je pense que la difficulté de ce type de tableau aussi célèbre, que l'on a l'impression de tous et toutes connaître, c'est qu'au fond, on est réduit à des préjugés, on est réduit à des discours préconstruits, et puis surtout, on est réduit à une forme de croyance. C'est-à-dire que comme nous avons déjà des idées sur ces œuvres, nous avons tendance à plaquer sur ces œuvres un certain nombre de discours qui sont préfabriqués. L'idée, c'est de revenir au tableau, de revenir éventuellement, si l'on est historien de l'art, ce que je suis, aux sources, aux archives, aux documents qui nous permettent d'avoir quelques certitudes, pas autant qu'on l'imagine, et puis de voir un petit peu ce que l'on peut dire de l'œuvre elle-même. Alors on va faire le pari ensemble aujourd'hui, Yann Blanc, de parler de la Joconde comme si personne ne l'avait jamais vue. Comme ça on sera obligé de la décrire, de raconter ce qui se passe quand on la regarde, etc. Vous êtes professeur d'histoire de l'art de la période moderne à l'université de Genève. Vous avez écrit sur Vermeer, sur Raphaël, sur Van Gogh et donc sur Léonard de Vinci, un ouvrage passionnant où vous proposez des reproductions des principaux tableaux de Vinci avec des explications. La Joconde, est-ce que c'est votre tableau préféré de Vinci ? En tout cas, quand on vous a proposé de venir en parler, vous avez proposé la Joconde. Oui, mais je ne sais pas si... Je crois que j'ai voulu travailler sur la Joconde, pas forcément parce que c'est mon tableau préféré, mais parce que je trouve que c'est un tableau très intéressant. Intéressant d'abord parce que précisément c'est un tableau qui est saturé de discours. Et je trouve intéressant, quand on parle de Léonard, en cette année d'anniversaire, de pouvoir revenir sur des œuvres très connues, puisqu'au fond, il y a très peu d'œuvres qui ne soient pas connues dans l'œuvre de Léonard. Et je trouve que c'est un tableau dont il ne faut pas sous-estimer l'importance historique. Aujourd'hui, c'est presque, si j'ose dire, un tableau célèbre pour sa célébrité. Hein, c'est un tableau, c'est le tableau le plus connu du monde. 20 000 visiteurs par jour au Louvre se pressent devant la cage de verre. Mais c'est aussi un tableau qui, immédiatement, a connu un succès phénoménal, devenant en quelque sorte le modèle d'un nouveau type de portrait en Italie, puis dans le reste de l'Europe. Et donc c'est une œuvre qui a une importance historique capitale. Vous allez nous raconter, on va laisser la parole à Giorgio Vasari, qui va vous proposer une première description du tableau. C'est dans les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Voici donc la description qu'il fait de Léonard de Vinci, et encore plus de la Joconde. Léonard se chargea pour Francesco del Giocondo du portrait de Mona Lisa, son épouse, mais après 4 ans d'efforts, le laissa inachevé. Il est actuellement chez le roi de France à Fontainebleau. Devant ce visage, celui qui voulait savoir ce que peut l'imitation de la nature par l'art le saisissait sans peine. Les moindres détails que permet la subtilité de la peinture y étaient figurés. Ses yeux limpides avaient l'éclat de la vie. Cernés de nuances rougeâtres et plombées, ils étaient bordés de cils dont le rendu suppose la plus grande délicatesse. Les sourcils, avec leur implantation par endroits plus épais ou plus rares suivant la disposition des pores, ne pouvaient être plus vrais. Le nez, aux ravissantes narines roses et délicates, était la vie même. Le modelé de la bouche avec le passage fondu du rouge des lèvres à l'incarnat du visage n'était pas de couleur, mais de chair. Au creux de la gorge, le spectateur attentif saisissait le battement des veines. Il faut reconnaître que l'exécution de ce tableau est à faire trembler de crainte le plus vigoureux des artistes, quel qu'il soit. Mona Lisa était très belle, et Léonard s'avisa de faire venir, pendant les séances de pause, chanteurs et musiciens, et des bouffons, sans interruption, pour la rendre joyeuse et éliminer cet aspect mélancolique que la peinture donne souvent au portrait. Il y avait dans celui-ci un sourire si attrayant qu'il donnait au spectateur le sentiment d'une chose divine plutôt qu'humaine. On le tenait pour une merveille, car il était la vie même. On dirait que Vasari est amoureux de ce tableau, Yann Blanc. Alors, il est amoureux, mais c'est un amour étrange, c'est un amour à distance, puisqu'il n'a jamais vu le tableau. Il l'a jamais vu ? Il ne l'a jamais vu. Alors, à partir de quoi décrit-il ce qu'il ne voit pas ? Il fait une sorte d'ekphrasis, ce qu'on appelle une ekphrasis, c'est-à-dire la description d'une œuvre absente. Il refabrique, par la description, l'effet que produit l'œuvre sur le spectateur, plutôt que l'œuvre elle-même. Si vous regardez attentivement la façon dont il décrit le tableau, d'abord, il use de deux temps. Il dit que le tableau se trouve actuellement dans les collections royales françaises, et ensuite, il décrit le tableau à l'imparfait. C'est-à-dire qu'il décrit le tableau dans les effets qu'il produisait sur les spectateurs qui ont ensuite probablement expliqué à Vasari ce à quoi ressemblait le tableau. Donc le tableau est à la fois à Florence, au moment où il commence à être peint, en 1503, et il est à Paris, au moment où Vasari écrit ce texte, c'est-à-dire en 1550. C'est-à-dire... Vinci est mort depuis 31 ans. Ouais. Donc c'est déjà intéressant de voir que ce qui intéresse, ce qui passionne ici Vasari, c'est deux choses principales. La première chose, c'est l'exécution, la qualité de l'exécution, mais dont il ne peut parler qu'à travers les témoignages de ceux qui lui ont en parlé. C'est-à-dire cette qualité de fondu, de sfumato, comme on dit, c'est-à-dire cette façon d'estomper les contours, de ne pas marquer, de ne pas dessiner, de ne pas cerner la figure sur un fond comme une sorte de silhouette. Donc tout ce travail qui consiste à représenter la figure prise dans une totalité. Et puis l'autre aspect qui est très important, c'est cette idée selon laquelle l'œuvre va produire un effet de vie, hein, qui donne le sentiment que le portrait n'est pas simplement la représentation ou l'expression d'un statut social, d'un statut psychologique, d'un statut éventuellement historique, mais c'est la représentation d'une individualité qui fait acte de présence face au spectateur. Et donc il insiste beaucoup sur cette idée du charme, cette idée de la grâce, et toute la métaphore autour de la musique renvoie à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut que le tableau produise sur nous l'effet que pourrait faire un air de musique, c'est-à-dire qu'il doit nous charmer, il doit en quelque sorte entrer en communion avec nous. Donc c'est cette idée d'une œuvre qui va fabriquer une relation spécifique avec le spectateur, une relation perceptible, mais aussi une relation émotionnelle, voire amoureuse, qui est totalement thématisée par Vasari. Mais ça veut dire que ce qui intéresse Vasari, c'est pas tant le tableau lui-même que la manière dont il est reçu par ceux qui le voient. D'ailleurs, si on relit le texte, hein, les yeux limpides qui ont l'éclat de la vie, cernés de nuances rougeâtres et plombées, les sourcils avec leur implantation par endroits plus épaisses ou plus rares, suivant la disposition des pores, ne pourraient être plus vrais. C'est comme s'il l'avait sous les yeux. En réalité, il ne fait que relater ce que d'autres lui ont dit. Oui. Donc parler de la Joconde, c'est aussi parler de l'émotion qu'elle suscite chez les spectateurs qui la voient. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, de parler de la Joconde à travers les discours, à travers ce que nous pensons connaître de l'œuvre. Donc c'est le problème de ces œuvres qui sont saturées de discours, qui sont recouvertes en quelque sorte de discours. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, nous allons essayer de faire abstraction finalement de ces discours. En réalité, c'est impossible. Ouais. Nous pouvons simplement essayer de déconstruire certains discours, d'en montrer les arrière-plans. Et ici, l'arrière-plan qui est important, c'est tout l'arrière-plan poétique aussi. C'est-à-dire que la façon dont Vasari décrit le visage de la Joconde, c'est intéressant. Ça nous renvoie, par exemple, à la poésie de Pétrarque. J'ai devant moi quelques vers de Pétrarque dans son poème Africa, où il décrit une femme à la beauté parfaite, et il nous dit que son visage égalait les astres, sa peau était d'une blancheur neigeuse, que ses cheveux ondoyaient la brise légère, que sa nuque était de lait, que ses yeux brillaient doucement par leurs larmes mouillées. Et donc, sont mouillées. Exactement, les larmes mouillées chez Pétrarque, et qu'on va retrouver dans la description de Vasari, qui insiste sur le fait qu'on peut presque sentir le battement du cœur, qu'on peut voir des choses qu'on ne verrait presque pas dans la réalité. Donc, je dirais que là, il y a aussi la volonté pour Vasari de recréer, par le texte, hein, par les mots, d'essayer de reconstituer la présence de l'œuvre devant nous. Alors, avant qu'on regarde le tableau ensemble, Yann Blanc, dites-nous comment il s'inscrit dans l'histoire même du travail de Vinci. Ça n'est pas le premier portrait que nous ayons conservé de la main de Léonard, parce que le tout premier portrait qu'on connaisse, c'est le portrait de Ginevra de Vinci qui est peint au début de la carrière de Léonard, alors qu'il est sans doute encore dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, donc à Florence. La carrière de Léonard, c'est grosso modo Florence, Milan et la France, on va dire les choses comme ça, même si il y a des allers-retours entre Florence et Milan en raison des guerres d'Italie. Et donc c'est un portrait qui sans doute a été commencé vers 1503. Ensuite, Léonard doit quitter Florence et donc ce portrait n'est finalement jamais livré à son commanditaire probable qui est Francesco del Giocondo, qui veut donc un portrait de sa femme Lisa, Lisa Maria, d'où le surnom Mona Lisa, Madonna Lisa, c'est-à-dire Madame Lisa. Hein, donc c'est l'identité probable, quasiment certaine, du tableau, même si on a encore quelques doutes parce que à la fin de la carrière de Léonard, dans son atelier se trouvaient sans doute plusieurs variantes de ce tableau. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Léonard n'a pas livré ce tableau, donc il a gardé dans son atelier jusqu'à sa mort. Et ce tableau a probablement été continué au cours des années jusqu'en 1516, 1517 peut-être, on ne sait pas, on n'est pas absolument certain. Et il va faire ensuite l'objet de variantes, de répliques, de variations, parce que le tableau commence à avoir un succès à la fin de la vie de Léonard. On a des témoignages d'artistes qui vont réaliser des variations autour du tableau. Raphaël en réalise assez nombreuses à Rome et à Florence. Donc c'est un tableau qui, sans jamais avoir été livré à son commanditaire initial, devient une sorte de mythe. Et on pourra expliquer plus tard dans l'émission pourquoi ce tableau modifie les codes du portrait durant cette période. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire. D'abord, on va pénétrer dans l'atelier de Vinci. Il discute ici avec son disciple Giovanni. Giovanni l'y rejoint. Il entre dans la cour de la maison dont le maître a fait peindre les murs en noir. Un vellum y règle la lumière du soleil. Quel est ce portrait de femme? Elle vient poser tous les jours. Mais qui est-ce? Son nom? Mona Lisa. Elle est la troisième femme du Florentin Giocondo. Deux fois veuf. Oh, un garçon assez ordinaire. Entièrement absorbé par son exploitation agricole. Le charme de son épouse le touche moins que les nouvelles taxes sur les peaux de mouton. Et peut-être s'est-elle mariée par amour? Non, pour obéir à son père. Elle est douce, pieuse, fidèle et charitable. Elle sait le latin et le grec. Et consacre tous ses soins à sa belle-fille qui a 12 ans. Elle ne vient jamais seule aux séances de pose. Une religieuse l'accompagne. Vous le regrettez? Peut-être. Savez-vous qu'un détail me frappe? Elle a sur la toile exactement votre sourire. Et l'expression de vos yeux aussi. Mais oui, c'est vrai. Mais ne m'avez-vous pas dit que, dans les portraits qu'ils font, les artistes ont une tendance à recréer leur propre visage? Oh oui, mais pour moi, c'est la première fois. C'est René Farabet qui raconte l'histoire de la Joconde sur les France Inter Fiction. C'était en 1968. Comme si donc le portrait de Mona Lisa était une forme d'autoportrait. Yann Blanc, vous y croyez? Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que prétendait Léonard. Il y a un extrait de ses carnets où il dit la fameuse phrase, désolé de mon italien médiocre, mais ogni pittore dipingesse. Ça veut dire tout peintre se peint lui-même. Mais ça ne signifie pas nécessairement, évidemment, c'est une phrase qui a fait l'objet de nombreuses interprétations. On a pu évidemment penser que tout peintre qui peint un portrait va peindre de son portrait, dans ce portrait ses propres traits, mais c'est pas du tout ce que dit Léonard. Il dit simplement que tout peintre va, dans son travail, constituer une sorte d'idéal de beauté qu'il va évidemment répéter devant en œuvre. Et on le voit dans la Joconde, puisque ce tableau, au fond, ressemble, la physionomie de ce visage ressemble à beaucoup d'autres visages peints par Léonard dans la deuxième partie de sa carrière. Je pense notamment au Saint-Jean-Baptiste du Louvre, je pense notamment à la Belle Ferronnière, qui ont des traits en commun, alors que ce sont des personnages différents. Mmh. Et pourquoi se ressemblent-ils? Parce que, comme le dit Léonard de Vinci, un peintre doit pouvoir constituer ce qu'on appellera au XVIe siècle une manière, una maniera, c'est-à-dire un style, si vous voulez, même si le terme est anachronique, un style, une façon de représenter les visages, les corps, qui va permettre à ces tableaux d'être reconnaissables et immédiatement identifiables à l'artiste. Donc, la Joconde est un tableau qui représente Lisa del Giocondo, mais c'est aussi un Léonard de Vinci. Donc, évidemment, le tableau ressemble à l'idée que Léonard se fait du portrait, du paysage, de la représentation du corps, etc. Donc, pas à son visage lui-même. Je ne pense pas que Léonard ressemble à ce visage, surtout à la fin de sa carrière. Alors, il était plus barbu, hein, paraît-il. Ah, paraît-il. Regardons ce tableau. Si j'essaie de le décrire, je vais jouer le rôle, et ce ne sera pas difficile, de celle qui ne s'y connaît pas en histoire de l'art, Yann Blanc, et vous serez le spécialiste. Donc vous me reprendrez quand je me tromperai. Moi, je vois une femme qui a les mains délicatement croisées devant elle. Elle est assise, elle nous regarde, elle a les cheveux de part et d'autre du visage, un sourire assez indescriptible, et derrière, un paysage qui paraît beaucoup plus chaotique que la sérénité que renvoie son visage. Mm-hmm. Pour commencer, je confesserai que lorsque je vois ce tableau, je me sens pas bouleversée. Oui. Il m'intéresse, j'ai envie de le regarder, mais je me demande à première vue Pourquoi a-t-il fait couler autant d'encre? Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Pourquoi 20 000 visiteurs vont le voir chaque jour au Louvre? Alors, je pense qu'il y a... Est-ce que je suis mal constitué? Non, je pense pas. Mais de toute façon, il peut y avoir une question de goût. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut évidemment discuter. Et c'est toujours intéressant de discuter du goût. Mais il y a à un moment donné, je dirais, une frontière, une limite qui est de l'ordre de la préférence. Mais il y a sans mille et une raisons pour lesquelles les spectateurs s'agglutinent autour du tableau. Et probablement aussi de quelques mauvaises raisons. Mais disons que pour essayer de revenir à ce que Léonard a pu vouloir faire dans cette œuvre, ou disons, aux manières dont le tableau a pu être perçu en son temps ou peu après sa production, on revient encore à Vasari. Sur quoi Vasari insiste lorsqu'il décrit le tableau et lorsqu'il décrit la façon dont le tableau a été perçu? Il décrit au fond une notion très importante qui est la notion de grâce. Hein, le tableau produit un charme, produit une séduction, produit un intérêt qui est presque de l'ordre du désir. Donc ce tableau n'est pas fait pour bouleverser. Il n'est même pas fait pour intéresser. Il va produire un charme un peu indescriptible. C'est la grâce relève un peu de l'ineffable, du je ne sais quoi, pour parler comme la langue du XVIIe siècle, qui va donc instaurer un rapport avec le spectateur, mais un rapport qui suppose une certaine forme de culture et de savoir. Hein. C'est un rapport qui n'est pas immédiat, qui n'est pas évident. Ça n'est pas la jeune fille à la perle qui vous accroche par son regard, par sa bouche ouverte, etc. Qui vous invite, même. Qui nous capte, qui nous prend au piège. Non, ce tableau, il est très subtil dans la façon dont il est construit. Par exemple, vous nous dites que les deux mains sont entrecroisées devant la Joconde. C'est pas tout à fait vrai. Si on regarde attentivement, on se rend compte que son buste est dirigé vers la gauche, que sa tête pivote sur l'axe de ce buste, donc elle tourne la tête vers nous, légèrement plus vers sa gauche, et elle est assise dans un fauteuil, et donc en principe ses deux mains devraient être posées sur chacun des bras, mais donc elle rabat la main droite sur la main gauche, donc les deux mains sont entrecroisées sur sa gauche. Mais au premier plan pour le spectateur. Et au premier plan sur le spectateur, avec une rambarde qui n'est pas, comme souvent dans les portraits de cette époque, et dans certains portraits de Léonard comme la belle ferronnière, devant la figure, mais derrière. Vous avez oublié de préciser d'ailleurs qu'on est sous une loggia avec deux très fines colonnettes dont on aperçoit les bases à gauche et à droite. Donc une loggia qui donne vers ce paysage étrange. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette figure se tourne vers nous, mais ne se tourne pas de façon radicale. Hein. C'est pas un tableau de Frans Hals, c'est pas un tableau de Rembrandt. C'est un tableau qui crée un très léger mouvement. Et c'est dans cette subtilité-là que se joue, à mon avis, les qualités de l'œuvre, qui va en quelque sorte prendre en compte la place du spectateur et créer donc dans cette œuvre une sorte de récit, de petite narration. Hein, ce n'est plus un portrait qui pose uniquement, c'est un portrait où la pose est une posture, une attitude. Et ça nous renvoie encore à la métaphore de Vasari, hein, qui nous parle de ses musiciens. Il insiste sur le fait que la figure, que Lisa pouvait ressentir une forme de mélancolie. C'est quoi cette mélancolie? C'est simplement, à mon sens, l'ennui que constituent ces heures de pause devant le peintre. Il n'y a rien de plus terrible que de devoir attendre sans bouger devant un peintre qui peint, et en plus Léonard, son problème c'est qu'il peignait lentement, donc il faisait revenir régulièrement ses modèles, il devait sans doute peindre aussi in absentia, mais disons qu'il faut pouvoir éviter que la pause, par sa longueur, par sa répétitivité, crée une sorte d'ennui, de staticité, de fixation dans le corps qui va faire en sorte que le portrait devienne une sorte de portrait, je dirais, froid. Il faut que le portrait garde un effet de vie. Et donc, pour créer cet effet de vie, Léonard joue justement de cette attitude dynamique pour instaurer cette relation avec le spectateur. Mais cette relation n'est pas spectaculaire. C'est pas un tableau qui va nous happer. C'est un tableau qui va créer ce petit sourire, d'ailleurs qui n'est pas un sourire aussi franc qu'en les autres œuvres de Léonard. C'est un demi-sourire. C'est un sourire presque gêné. Presque comme si Léonard voulait nous représenter le modèle gêné devant le regard que le peintre pose sur elle aussi. Et donc, dans cette gêne-là se joue aussi, à mon avis, le charme du tableau, mais c'est évidemment pas un charme spectaculaire. Ça veut dire que ce qu'on a pris pour de la mélancolie, aussi également de la grâce, etc., serait en fait causé par la difficulté et la longueur de la pose. C'est une hypothèse, on peut évidemment en formuler d'autres, mais je trouve que dans cette œuvre, ce qui frappe, ce qui marque l'œuvre, c'est ce sourire qui n'est pas original, puisqu'avant Léonard, on a eu des sculpteurs, on a eu des peintres qui ont fait sourire leur figure. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est deux choses. D'abord, le sourire, il va emblématiser la figure. Pourquoi? Parce que Lisa del Giocondo, Giocondo, hein, Gioconda, ça veut dire joyeux en italien. Donc le sourire, il va en quelque sorte donner le nom propre de la figure. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le portrait italien de cette époque. Quand on représente une Laura, on va représenter un Laurier. Lorsqu'on représente Ginevra, on va représenter un Genevrier. Lorsqu'on montre un Leonello ou un Léo, on va représenter un lion. Donc c'est, on va intégrer dans l'image un élément iconographique ou formel qui rappelle le prénom ou le nom de la personne. Donc d'abord, cette Gioconda, hein, c'est une façon, cette joie qui est exprimée, en tout cas cette gaieté qui est exprimée par ce sourire, il va signifier finalement le statut social, le statut familial de cette Lisa. Et par ailleurs, ce sourire, il va faire en sorte que le tableau s'adresse à nous, ce qui n'est pas évident pour un portrait. Vous avez de nombreux portraits à l'époque qui, même lorsqu'ils sont de trois quarts, même lorsque leur regard est tourné vers nous, il y a une forme de limite qui est marquée entre nous et la scène. Je prends l'exemple de la Belle Ferronnière de Léonard, où vous avez une figure qui ressemble sur le plan physionomique, mais avec toute une série de procédés qui marque très clairement une séparation entre l'espace fictionnel et l'espace réel. Une rambarde au premier plan, un fond entièrement noir et un visage absolument impassible, qui nous donne donc le sentiment que nous n'appartenons pas au même monde. Or ici, il y a plus premier plan, et ces deux mains entrecroisées, elles sont très intéressantes au premier plan, parce que elles sont entrecroisées donc sur le bras gauche du fauteuil, et donc ce sont des mains qui, au fond, nous tendent la main, quasiment au sens propre du terme. La main droite, elle s'offre à nous, quasiment. On pourrait presque, elle est travaillée de façon extrêmement précise. On a envie de la prendre. Ouais. On a envie de lui prendre la main. Et c'est en même temps, par ce mouvement un peu étrange qui consiste à placer sa main sur le bras gauche de son fauteuil, ça donne un peu le sentiment qu'elle veut aussi nous prendre la main. Ou en tout cas, qu'elle s'oriente vers nous, qu'elle s'intéresse à nous. Donc c'est dans cette interrelation entre le spectateur et l'image que se construit cette relation. Mais le problème peut-être, et je reviens à la question qui était la vôtre tout à l'heure, pourquoi ce tableau ne nous bouleverse pas, peut-être une autre explication, c'est qu'après Léonard, tous les artistes vont s'emparer de ce type de procédé. Et ça va devenir une véritable convention dans le portrait italien et ensuite dans le portrait français, hein, puisque lorsque les tableaux de Léonard vont finir dans les collections royales françaises, Léonard va être un artiste qui va devenir un modèle majeur pour la peinture française durant la deuxième moitié du XVIe siècle, hein, dans l'école de Fontainebleau notamment. Ces modèles, ces procédés, ils vont être utilisés par tous les portraitistes. Même Rembrandt. Quel procédé, le fait de se la dynamisation, la narrativisation, la façon de temporaliser la figure. Voilà, ouais. Le portrait n'est plus simplement l'expression d'un statut, la construction d'une ressemblance. Ça va créer une sorte de scène narrative dans laquelle le spectateur doit être impliqué. Ça, tout le monde va le faire. Et le geste des mains, on le retrouve dans un nombre très impressionnant de portraits au XVIe siècle. Donc le problème aussi, c'est qu'évidemment, nous trouvons parfaitement banal et presque indifférent et anodin quelque chose que Léonard invente sous nos yeux. Le problème aussi, pour faire ma critiquer, vous voyez ce que je viens de dire, c'est que le fait de ne pas être bouleversé ne renseigne rien quant à la qualité de l'œuvre. On n'attend pas forcément de l'art qu'il nous bouleverse. Non, et parfois certaines œuvres nous émeuvent davantage par une sorte d'indétermination et d'incompréhension à pouvoir saisir précisément les ressorts de ce qui nous intéresse sans forcément nous impliquer émotionnellement si fortement. Ça fait partie, disons, de là pour le coup, d'une certaine forme de mystère, même si ce terme n'est pas celui que j'emploie le plus souvent. Il y en a un, en tout cas, qui est sans doute bouleversé par la Joconde, c'est Daniel Arras. Ce sourire, en fait, c'est ce qui lie profondément la figure au paysage de l'arrière-plan. Paysage chaotique de rochers, terre, ou un paysage préhumain, etc. Eh bien, le paysage, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est incohérent. C'est-à-dire que dans la partie droite du point de vue du spectateur, vous avez les montagnes très hautes, et vous avez tout en haut de la montagne un lac plat, hein, comme un miroir, qui donne une ligne d'horizon très très élevée. Et dans la partie gauche, au contraire, le paysage est beaucoup plus bas. Et il n'y a pas moyen de concevoir le passage, hein, entre la partie droite très élevée et la partie gauche. Il y a un hiatus. Bien, ce hiatus, en fait, il est recouvert, caché, transformé par la figure elle-même et par le sourire de la Joconde. Mais un sourire, c'est éphémère, ça ne dure qu'un instant. Et ce sourire, c'est ce sourire de la grâce qui fait l'union du chaos du paysage qui est derrière. C'est-à-dire que c'est donc une méditation sur, je dirais, une double temporalité. Nous sommes au cœur du problème du portrait. Hein. C'est pour ça que c'est le portrait de tous les portraits. C'est que le portrait est inévitablement une méditation sur le temps. Et le temps qui passe, parce que je ne suis plus celui que j'étais. Hein. C'est Montaigne qui le dit. Hein. J'ai plusieurs portraits de moi. Combien je suis différent aujourd'hui d'Astor. Eh bien là, c'est au cœur du tableau que je suis une méditation sur le temps, puisque le sourire, c'est le temps éphémère de la grâce, hein, de la beauté qui passe, mais cette grâce éphémère, Elle est ce qui surgit du chaos et d'un temps immémorial. On passe du temps immémorial du chaos au temps fugitif et présent de la grâce et du sourire, mais on reviendra à ce temps sans fin du chaos et de l'absence de forme. Et cette grâce souriante de Mona Lisa, eh bien c'est le temps qui passe. Daniel Arras, qui parle de l'art, serait en lui-même considéré comme une œuvre d'art, hein, tellement il est précis et lui-même gracieux dans ses propos. Je crois que c'est pas vous qui me contredirez, Yann Blanc. Il attire notre attention sur quelque chose que je n'avais pas cité tout à l'heure, qui est la déstructuration du paysage derrière la Joconde. Si on regarde attentivement, il y a une espèce de lac sur la droite qui se situe en haut d'une montagne, ce qui est déjà très étrange. Et ce lac qui se transformerait en fleuve, ou en tout cas en lac différent sur la gauche, ne correspond pas du tout à ce qu'il y a sur la droite. Il y a un effet de désaxage total qui, selon Daniel Arras, serait fluidifié par le sourire même de la Joconde. Alors, si Léonard a fait ce choix de ne pas respecter la même hauteur de la ligne d'horizon dans la partie gauche et dans la partie droite, c'est un choix qui est nécessairement motivé. Car Léonard est quelqu'un qui a une très grande connaissance du paysage. Il en a dessiné un très grand nombre. Il a consacré de nombreuses pages à la question du paysage, à la question de la ligne d'horizon, à la question de la perspective aérienne, etc. Donc, c'est absolument clair dans le tableau qu'il y a un problème et que la tête, hein, je dirais pas seulement le sourire, mais la tête, le corps entier de Mona Lisa articule les deux parties. Alors, comment on peut le comprendre? Alors, d'abord, on peut comprendre dans le sens que Daniel Arras donne à cette œuvre, c'est-à-dire la question de l'éphémère, de l'instantané, de cette grâce, d'un moment qui est fugitif et que le peintre parvient à restituer. Et de ce point de vue, il faut quand même rappeler que dans l'arrière-plan du paysage, il y a beaucoup d'objets mobiles, des nuages, des nuées, une rivière, un pont de pierre. Donc la question du passage, elle est thématisée. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle au Moyen-Âge la natura naturans, la nature en train de se faire, le corps qui est pris dans un instant précis, et pas simplement le corps en soi. C'est vraiment le rapport que le corps de Mona Lisa entretient avec nous dans un instant précis. Donc je dirais, il y a d'abord cet aspect-là. L'autre aspect, qui est probablement plus banal, mais qu'il faut aussi rappeler, c'est que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure en citant Pétrarque, le modèle de la beauté féminine idéale, c'est précisément le modèle de la nature. Quand Pétrarque dit, quand il parle de la peau blanche comme neige, lorsqu'il fait référence, il rapproche les cheveux au soleil, les larmes à la pluie, etc. Ça nous renvoie vraiment à ces topoi, à ces lieux communs que la beauté féminine doit ressembler à une nature parfaite. Et donc là, il y a évidemment dans ce tableau une sorte de mise en rapport, de parallélisme entre le corps de Mona Lisa et je dirais le corps du paysage. Et d'une certaine façon, on pourrait comprendre cette discontinuité, cette disjonction entre les parties gauche et droite, dans la mesure où, finalement, la tête et le corps de Mona Lisa vont réunir, rejoindre, faire coïncider ces éléments en fabriquant un élément du paysage. Comme si sa tête était une colline ou une montagne qui va fabriquer, refabriquer, réunir les deux parties en apparence disjointes. Donc, je dirais que le corps de Mona Lisa est un morceau de nature, tout comme le paysage à l'arrière-plan. Dans quelle mesure faut-il appliquer au tableau de Vinci que nous regardons la théorie, les écrits qu'il a pu développer par ailleurs? On a énormément de pages de carnet de Vinci. Il théorise ce qu'il fait. Il théorise, il essaie de réfléchir. Et il réfléchit à la fois en peintre, c'est-à-dire en réfléchissant dans ses dessins, dans ses esquisses, dans ses dessins préparatoires et dans ses tableaux. Et on voit et on sait qu'il réfléchit longtemps. C'est la raison pour laquelle on n'a pas conservé un nombre très important d'œuvres de Léonard et que certaines sont restées inachevées. L'Adoration des Rois Mages ou le Saint-Jérôme, par exemple. Et ces textes l'accompagnent aussi verbalement. Et il essaie, on le voit réfléchir, expliciter les questions qui l'intéressent dans ces textes. Alors, il y a des textes consacrés aux sciences, aux techniques, mais de très nombreux textes consacrés à la représentation. Il donne d'ailleurs, dans un de ces textes, il théorise très précisément ce qu'il fait dans la Joconde. Il écrit « Garde-toi de jamais faire tourner la tête dans la même direction que le buste, ni que le bras se meuve avec la jambe. Si la tête est tournée vers l'épaule droite, que toutes ses parties soient plus basses à gauche qu'à droite. » etc., etc. C'est-à-dire, il fait exactement ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Donc, évidemment, il faut toujours se méfier de ce que les peintres, les artistes écrivent, parce que parfois, ce qu'ils écrivent, c'est ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils ne font pas nécessairement, ou ce qu'ils voudraient que les autres fassent à leur place, ou parfois, ils réinventent un peu leur carrière. Donc, il faut se méfier. La théorie écrite n'est pas forcément, ne coïncide pas forcément avec la théorie mise en pratique. Mais chez Léonard, on a le sentiment quand même que les carnets accompagnent sa pratique. Et donc, je crois que ce sont des sources extrêmement précieuses pour essayer de reconstituer sa pensée artistique. Pour vous donner une idée, ouvrons quelques carnets de Léonard de Vinci, ici lus par Vincent Schmitt. Ce qu'il y a dans l'univers par essence, présence ou fiction, la peinture l'a dans l'esprit d'abord, puis dans les mains. Et celles-ci sont d'une telle excellence qu'elles engendrent à un moment donné une harmonie de proportions embrassé par le regard comme la réalité même. L'art est philosophie et scienza mentale. Il se nourrit de l'ambiguïté, fille de l'inexprimable. N'imite pas la nature pour répéter, mais pour créer le grand œuvre de la raison et de l'utopie. Pour rendre l'imaginaire plus concret et la réalité plus abstraite. Pour que soient vérifiables les cause mentali et visible ce qui autrement ne serait pas. Chemin de la philosophie, Adèle Van Rett. Rendre l'imaginaire plus concret et la réalité plus abstraite, créer le grand œuvre de la raison et de l'utopie, dit-il, pour que soient vérifiables les cause mentali et visibles ce qui autrement ne serait pas. Est-ce que c'est une manière de caractériser le geste artistique de Vinci, rendre visible ce qui autrement ne le serait pas ? Oui, alors d'abord ce texte est intéressant par sa complexité. Je pense qu'on mettrait des heures et des heures avant de déplier tous les concepts, tous les thèmes qui y sont enchâssés. Notamment, il y a un arrière-plan néoplatonicien qui est assez évident. On a longtemps et souvent, et à juste titre, insisté sur l'importance de la philosophie néoplatonicienne. Je pense notamment à Marcille Ficin à Florence. Donc Léonard a un peu baigné dans cet univers. Il faut rappeler qu'il est aussi le fils d'un notaire, donc quelqu'un qui est plutôt de bonne famille et qui a sans doute eu accès à des textes, à des sources savantes assez tôt. Donc il connaît ces textes, il connaît ces principes. Et donc lorsqu'il présente la peinture comme une causa mentale, il faut entendre le mot de causa dans les deux sens, chose et cause. C'est-à-dire que pour lui, la peinture doit pouvoir mettre en évidence visuellement des idées, des notions. Il parle de cette ambiguïté, par exemple. Donc l'ambiguïté, c'est pas quelque chose qui est visuel, c'est quelque chose qu'on peut rendre visible, rendre visuel. Donc la question qui est intéressante chez Léonard, c'est au fond l'idée finalement de concurrencer Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu à pouvoir créer le monde comme le peintre pourrait le faire, à partir de matériaux qui sont des matériaux formels ou plastiques. C'est une notion qu'on retrouve très souvent dans les écrits de Léonard, cette comparaison de l'artiste à Dieu. L'artiste est face à son œuvre comme Dieu devant le monde en train d'être fait. Et donc recréer ce monde, Daniel Arras parlait de ce paysage quasiment cosmique à l'arrière-plan, recréer ce monde, c'est pas simplement reproduire la réalité. Et là, on n'est vraiment pas dans cette idée d'un réalisme, c'est une notion qui est très tardive. Notion de réalisme, c'est au contraire refabriquer le monde pour mieux le faire voir en réalité, pour nous faire voir ce que nous ne verrions pas, ce que nous ne voyons pas au quotidien parce que nous sommes pris par des tâches, parce que nous n'avons pas forcément la culture visuelle ou philosophique d'un peintre comme Léonard qui va nous montrer la beauté de cette jeune femme, qui va nous montrer ce qu'est un sourire ou un demi-sourire, nous créer, nous recréer et nous faire voir la beauté de cette femme. Mais pour faire voir cette beauté, il faut utiliser des outils visuels, plastiques et des procédés narratifs, compositionnels, comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc il ose la comparaison à Dieu. Ça n'est pas totalement... Il n'est pas le seul. Depuis l'Antiquité, on parle du Deus Artifex, du Dieu créateur, du Dieu architecte. Mmh. Et d'autres artistes vont le faire à l'époque, en faisant référence à l'idée qu'au fond, un peintre a un rapport analogique à son œuvre, analogique à celui de Dieu. Personne va se présenter comme un créateur, au sens moderne du terme, au sens de créateur d'un monde divin. Mais on parle du divin Michel-Ange à l'époque. Albrecht Dürer, dans un de ses autoportraits, se représente de face, comme le Christ. Donc il y a, je dirais, une sorte de jeu mêlé d'humour et d'ironie, où l'artiste se prétend finalement comme le seul maître à bord, comme le seul auteur de son œuvre finalement. C'est sans doute aussi pour ces artistes une façon de revendiquer une certaine forme de liberté sociale et professionnelle vis-à-vis de leurs commanditaires, vis-à-vis des clients qui peuvent parfois avoir des prérogatives ou par rapport à eux. Donc c'est une façon aussi d'affirmer le caractère libéral, intellectuel, libre, si l'on veut, de la profession de peintre à l'époque et à laquelle Léonard était très attaché, notamment en cultivant cette image du peintre savant, du peintre intéressé par les sciences, alors que ses travaux scientifiques n'ont eu aucune importance à l'époque. C'est connu de personne. Ah oui. Et d'ailleurs, en partie d'entre eux sont imaginaires ou poétiques. Son hélicoptère ne volera jamais. Ça, c'est strictement impossible. Mais il y a une sorte de fabrication, ce que Stephen Greenblatt appelle le self-fashioning. Léonard est très conscient de cela. Il se construit lui-même, il se construit une image. Et l'image à laquelle il tient beaucoup, c'est l'image du peintre savant, du peintre philosophe. Mais ça veut dire qu'il veut nous apprendre quelque chose quand même en peignant. Alors, c'est une affaire de transmission de connaissances aussi. Bien sûr, mais il produit des idées. Il exprime des idées sur le monde, il exprime des idées sur la peinture. Il exprime surtout des idées vis-à-vis du sujet qui est le sien. En l'occurrence, ici, il pense en portraitiste, et son rôle, c'est de montrer la femme la plus belle possible. Donc, les idées qu'il va véhiculer, qu'il va transmettre, ça va être des idées qui sont liées à l'exaltation de cette beauté, tout simplement. Il peut produire des idées différentes lorsqu'il représente un ange, une adoration des rois mages ou une annonciation. À chaque fois, il s'agit pour lui de s'adapter à son sujet et d'exprimer, de produire les idées idoines, les idées qui correspondent à son sujet. Et cette idée de convenance, cette capacité à pouvoir s'adapter à ces sujets, constitue aussi une part importante du savoir, de la culture d'un peintre à l'époque. Un mot sur le regard quand même de Mona Lisa, parce qu'on parle beaucoup de son sourire, on pourrait décrire chaque partie du visage, dans le texte qui a ouvert cette émission de Vasari, il parlait des sourcils un peu clairsemés selon la disposition des pores de la peau, c'est-à-dire quelle précision on a pu lui rapporter dans le regard des spectateurs qui l'ont vu. Le regard semble... Enfin, est-ce qu'elle nous regarde ou pas? Alors, il me semble qu'elle nous regarde. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle regarde juste derrière notre épaule. C'est toujours compliqué d'essayer de savoir ce qu'un tableau regarde vraiment. Mais disons, ce qui est intéressant ici, c'est que les yeux et le visage ne vont pas exactement dans la même direction. C'est-à-dire que ses yeux sont tournés davantage vers la gauche que son visage. Oui. Si bien qu'on a l'impression qu'elle nous regarde en coin. Et d'une certaine façon, donc, elle produit un sourire en coin. Ce qui renforce encore le sentiment d'étrangeté et de charme, parce que elle nous regarde presque de façon subreptice. Dans ce regard, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est une sorte d'ambiguïté. On revient à cette notion d'ambiguïté qui est très importante chez Léonard, de savoir un petit peu qu'est-ce qui lui passe par la tête. Et j'ai là devant moi un texte qui est assez amusant, qui date de 1666, d'André Félibien, qui réécrit une partie du texte de Vasari, mais en proposant une nouvelle interprétation, je vous la livre. Oui. On dit que Léonard prit tant de plaisir à y travailler qu'il fut 4 mois à le faire, donc il part de la Joconde. Et pendant qu'il peignait cette dame, il y avait toujours quelqu'un après d'elle qui chantait ou qui jouait de quelque instrument afin de la tenir dans la joie, d'empêcher qu'elle ne prie. Cet air mélancolique où l'on tombe aisément lorsqu'on est sans action et sans mouvement. Alors là, il dit bien que la mélancolie, c'est l'ennui de poser. Véritablement, il y a tant de grâce et tant de douceur dans les yeux et dans les traits de ce visage qu'il paraît vivant. Là, en l'occurrence, Félibien, il avait le tableau devant lui, parce qu'il se trouve dans les collections royales. Et il semble, en voyant ce portrait, que ce soit en effet une femme qui prend plaisir qu'on la regarde. C'est-à-dire que là, il introduit un nouveau thème, même si, à mon avis, il est implicite dans le texte de Vasari, c'est cette ambiguïté d'un regard qui est à la fois vu et voyeur. Elle prend plaisir à être regardée, elle se livre au spectateur. Et il y a une dimension dans ce tableau qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la dimension érotique. On n'a pas de désir, on voit la naissance de ses seins. Ses seins semblent se prolonger dans les arrière-plans de paysage, avec la rivière, le fleuve, le lac. Il y a tout le travail sur la chair qui est très important, la chair des mains, la chair du visage. Il y a ses cheveux ondulés qui tombent de part et d'autre du visage. Il y a le travail de ce voile qui entoure la partie supérieure du visage et la chevelure, voilà, donc avec un effet de transparence, évidemment. Et donc on a affaire ici aussi à un tableau qui est censé susciter une forme de désir, pas simplement une admiration un peu froide vis-à-vis des belles proportions de la jeune femme, aussi un rapport presque érotique, un rapport qui produit de l'amour. Vous avez parlé d'amour tout à l'heure, amour, désir, eros, c'est la même chose à l'époque, enfin dans cette perspective-là. C'est pas l'amour céleste ici dont il est question, c'est l'amour terrestre. Et donc là, je crois que l'idée produite, exprimée par Félibien, d'une femme qui prend plaisir à être regardée, je trouve très intéressante, parce que je pense qu'effectivement, ça fait aussi partie du jeu dans lequel Léonard nous plonge, avec quelque chose d'assez amusant aussi. C'est-à-dire que la Gioconda produit au fond un spectateur Giocondo, un spectateur ou une spectatrice d'ailleurs, quelqu'un qui va lui-même ou elle-même avoir du plaisir. Un tableau qui peut nous faire sourire également. Alors pourquoi la peinture est-elle le moyen le mieux à même de provoquer ce désir, de rendre le spectateur content et d'atteindre la vérité? Pourquoi la peinture plus que la musique ou que la poésie par exemple? Voici la réponse de Léonard de Vinci. La peinture n'a besoin d'aucune langue pour interprète, comme fait la littérature. Immédiatement, elle satisfait l'esprit humain aussi bien que les choses produites par la nature. Elle satisfait même les autres animaux. Un peintre avait représenté un certain père de famille avec tant d'art que ses enfants en bas âge se mirent à caresser le portrait et le chien et le chat de la maison agirent de même. C'était chose merveilleuse qu'un tel spectacle. L'œil, qu'on appelle fenêtre de l'âme, est la voie principale par où l'esprit peut considérer, largement et dans leur splendeur, les ouvrages infinis de la nature. L'oreille vient ensuite, qui s'ennoblit à écouter le récit de ce que l'œil a vu. Si le poète est aussi libre que le peintre dans ses inventions, ses fictions ne donnent pas autant de satisfaction aux hommes que celles du peintre. La poésie s'applique en effet à suggérer les formes, les actions, les lieux, mais le peintre les représente concrètement. Par notre art, nous méritons d'être appelés petits-fils de Dieu. La poésie élève à la philosophie morale, mais la peinture pratique la philosophie naturelle. La première décrit l'opération de l'intelligence en train de réfléchir, la seconde met l'intelligence en action dans les mouvements. L'œil est la fenêtre de l'âme pour celui qui est non pas le fils, mais le petit-fils de Dieu, c'est-à-dire le peintre Yann Blanc. Oui, alors... Bon, il faut, on va pas se raconter des histoires dans ces textes dans lesquels Léonard présente le peintre comme l'artiste absolu et achevé. C'est d'abord une manière de valoriser sa propre profession. C'est d'ailleurs quelque chose assez courant. C'est qu'en général, au 15e, au 16e siècle, lorsqu'un peintre présente sa profession, il dit que la peinture est supérieure. Lorsque c'est un sculpteur, c'est la sculpture. Lorsque c'est un orfèvre, c'est l'orfèvrerie. Donc il y a une dimension de construction, d'une hiérarchie à l'intérieur de laquelle on a évidemment toujours la meilleure place. Mais malgré tout, il y a aussi derrière cela un arrière-plan. Il y a d'abord l'arrière-plan de la classification des cinq sens, où la vue a la première place, il le dit très clairement. Comme Platon, et la vue étant un sens intellectuel, là, je renvoie aux travaux de Jacqueline Lichtenstein, justement, sur cette question, qui montre que la vue a vraiment ce statut qui permet à la peinture d'être un art plus intellectuel que la sculpture, par exemple, aussi plus immatériel, parce que la sculpture suppose de fabriquer, de modeler la matière, alors que la peinture fabrique un effet, une illusion de la matière. Et puis il y a un autre aspect qui est très important et là qui déconnecte la peinture et la poésie de la poésie, c'est l'idée selon laquelle la peinture est une langue universelle. La poésie par définition s'exprime dans une langue, donc italien, français, le néerlandais, voilà. Donc elle suppose de ne pratiquer cette langue. Et si on ne peut pas la pratiquer, il faut recourir à une traduction. La peinture elle-même, selon Léonard, est une langue universelle qui touche les âmes du monde entier. En même temps, c'est vrai aussi pour la musique, et dans un autre texte, Vinci dit bien que la peinture est quand même supérieure à la musique. Avançons l'argument suivant, la musique, on l'écoute à un moment, puis ça ne dure pas. La peinture, elle dure, elle est toujours là. Ça, on est quand même face à des répertoires de Topoï qui sont interchangeables, parce que, par exemple, il y a un texte assez fameux où Léonard va montrer la supériorité du peintre par rapport au sculpteur, parce que le peintre, il ne se salit pas. Pas d'effort, juste un petit pinceau très léger. Alors, le sculpteur, il se met de la pierre sur les mains, c'est fatigant, c'est lourd, c'est pénible, ça fait mal au dos, etc. On peut renverser l'argument en disant que le sculpteur, c'est plus difficile parce que non seulement il doit fabriquer une forme, mais en plus, il doit y mettre du sien et en faisant travailler son corps. Donc, ce sont des arguments réversibles qu'on trouve vraiment très fréquemment convoqués au XVIe siècle. Mais l'enjeu, c'est finalement pas les arguments en tant que tels, mais disons les visées de ces arguments. Et je pense que, fondamentalement, pour Léonard, il s'agit de mettre en scène. Je ne suis pas sûr s'il est sincère, je ne suis pas sûr s'il y croit vraiment. Je pense qu'il est persuadé de la nécessité de le dire, mais que la peinture est un art intellectuel. C'est ça. L'idée de la causa mentale, l'idée de la supériorité de la vue comme un sens intellectuel, tout cela renvoie à l'idée selon laquelle la peinture n'est pas simplement faite pour les yeux. Ça n'est pas simplement l'imitation de la surface des choses, du monde visible. C'est quelque chose qui doit convoquer un monde invisible, qui est un monde d'affect, un monde d'émotion, un monde de passion, un monde d'idées. Si la peinture n'est qu'une reproduction du visible, elle n'a strictement aucun intérêt. Et pourtant, on sent le plaisir qu'il a à reproduire la délicatesse de la chair. Vous avez insisté dessus. Donc d'un côté, c'est l'émotion de l'idée, ne regardons pas trop le visible, et en même temps, quand même, quand on le regarde, il est particulièrement incarné. Oui, mais cette incarnation, elle n'est pas toute seule. Et n'est pas un pur exercice de virtuosité. Il n'est pas là pour simplement reproduire le corps en tant que tel. Il y a bien derrière cette représentation, plutôt derrière cette expression, quelque chose qui est ressorti à un projet. hein, ce qu'on appelle en italien à l'époque un disegno, c'est-à-dire un dessin au sens EIN, et aussi un dessin IN, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail du dessin en tant que tel qui va accompagner le dessin EIN. Alors, puisqu'on parle de l'importance de la vue, on a parlé du regard de la Joconde, quand même un mot sur la lumière. Difficile de parler de Vinci sans parler de lumière, on en parlera encore demain, après-demain et jeudi, puisque Vinci quand même a une utilisation particulière de la lumière. Dans ce tableau de la Joconde, comment décririez-vous ce jeu de lumière ? Alors, ce qui est intéressant chez Léonard, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, c'est au fond qu'il va restreindre de plus en plus la palette chromatique de ses œuvres. C'est un peintre qui va penser ses tableaux comme un tout ensemble, pour parler comme Roger de Pile au XVIIe siècle. C'est-à-dire que plutôt que de multiplier énormément de teintes différentes, qui donc va créer un effet de variété, mais aussi une façon de diviser le regard au sein de la composition, il va regrouper ses couleurs autour de quelques couleurs principales. Ici, grosso modo, on a deux types de palettes. Il y a une palette plutôt dans les ocres et les bruns, qui sont donc ceux qui sont utilisés pour le corps de Mona Lisa, mais aussi pour une partie du paysage, et puis une palette de bleu-vert qui sont utilisés pour la partie supérieure. Et ces couleurs vont créer un effet d'ensemble qui va créer cet effet d'harmonie. N'oublions pas évidemment que la métaphorisation musicale employée par Vasari et par Félibien nous renvoie aussi à cette comparaison entre l'harmonie de la peinture et l'harmonie de la musique. Cette idée selon laquelle il y a un rapport de proportion entre les parties et le tout, ce n'est pas une juxtaposition de parties. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est évidemment ce qu'on a appelé le chiaroscuro, c'est le clair-obscur, dont Léonard est un des premiers, disons, inventeurs ou théoricien, je veux dire, c'est Caravage n'aurait pas sans doute existé sans Léonard, parce que c'est Léonard qui va dans ses œuvres mettre en valeur l'importance et l'intérêt qu'on peut avoir, qu'on peut trouver à créer ces effets d'opposition assez forts entre des parties claires et des parties sombres. La différence entre le Caravage et Léonard, c'est que le Caravage ne va pas chercher du sfumato, il va au contraire chercher à dessiner le sfumato. Le sfumato, c'est ce travail qui consiste à estomper les contours. Donc, ce qui est très intéressant chez Léonard, c'est qu'il y a à la fois la volonté de créer un clair-obscur qui va donc opposer des masses fortes claires et sombres. Et ça, c'est le premier à le faire. C'est pas, en histoire de l'art, si on cherche le premier. Voilà, c'est compliqué. C'est l'un des premiers à non seulement à le faire de façon très régulière, mais aussi à le théoriser. On a de très nombreux textes où il défend cette idée. Et son idée, c'est de dire que le clair-obscur va faire en sorte que votre regard va être attiré vers des parties bien spécifiques de l'œuvre, parce que vous avez créé des effets de contraste lumineux entre les parties claires et les parties sombres. Et donc, vous allez inévitablement avoir le regard attiré vers ces parties. Donc, le peintre peut prendre le contrôle du regard en créant un effet de clair-obscur. Là, la partie la plus importante de la composition, celle qui frappe le premier, c'est pas le sourire, c'est la gorge. Elle est au centre est de la composition. Claire, en tout cas, ouais. Elle est plus, légèrement plus claire. Et elle attire notre regard, elle est au centre de la composition. Donc, disons que pour Léonard, sans doute, si l'on suit cette idée, c'est la partie par laquelle il faut commencer. Et commencer par la gorge, ça vous donne le thème un peu du portrait. Donc, d'ailleurs, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la naissance des seins. Gorge très large, en c'est plus. C'est une gorge ample. Large. Et donc, il semble presque se dévoiler à nous, un peu comme les mèches de cheveux qui semblent s'écarter comme des rideaux. Donc, c'est vraiment un corps qui se livre. Et puis ensuite, le sourire corrige, etc. Donc ça n'est pas un tableau obscène. Je rappelle quand même, et je renvoie à l'exposition qui a commencé à Chantilly, qu'il y aura des versions nues de Mona Lisa. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variations, sans doute dès l'atelier de Léonard. Peintes par Vinci Alors, on n'est pas certain. Il y a peut-être une ou deux versions, on peut penser qu'il les a peintes, ou tout du moins élaborées. Mais en tout cas, on sait que dans l'atelier de Vinci vont naître des versions nues. Donc, et là, on voit vraiment les poitrines déployées. Elles sont nues, elles sont nues. Et au fond, ces tableaux sont, me semble-t-il, explicites, ce qui n'est qu'implicite dans le tableau. Il y a moins d'ambiguïté, évidemment, et Léonard est fervent de cette ambiguïté. Mais, d'une certaine façon, ses œuvres vont poursuivre en radicalisant certaines idées dans le tableau. Mais le clair-obscur donc, vous permet cela, vous permet de prendre le contrôle du regard en permettant à l'œil d'aller d'une partie à l'autre, donc les contrastes jouent ce rôle. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que Léonard nous dit bien, attention, si vous produisez un clair-obscur trop marqué, avec des contours trop cernés, vous risquez de transformer votre tableau en damier, avec des cases quasiment. Et donc, pour éviter cela, il faut user de cette technique du sfumato, il faut estomper, dégrader les contours pour que la figure donne le sentiment d'être prise dans un fond, comme dans le Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il semble sortir. Qui lui contraste beaucoup plus, parce que le fond est complètement noir. Complètement noir. Le Saint-Jean-Baptiste qui lui paraît nu aussi, enfin il porte une peau le long du corps, mais on voit une épaule nue. Il a un sourire qui rappelle celui de la Joconde, il regarde aussi un peu de biais, il lève le doigt vers le ciel, et le fond est absolument noir. Voilà, alors là, il ne pouvait pas le faire pour la Joconde, car il avait besoin de ce paysage à l'arrière-plan pour pouvoir non seulement créer un effet d'harmonie chromatique avec le corps, pour que ce corps puisse être pris dans un espace où la chair serait mise en évidence, et puis par ailleurs pour créer un effet de profondeur. Là, dans le Saint-Jean-Baptiste, c'est la figure de Saint-Jean-Baptiste qui joue ce rôle. On a glosé sur l'importance éventuellement symbolique de cette obscurité représentée ici. Finalement, le Messie vient en quelque sorte, le Messie donc annoncé par Saint-Jean-Baptiste, vient en quelque sorte arracher les hommes de l'obscurité du péché originel. Donc il y a peut-être cette idée aussi symbolique derrière tout cela. Mais malgré tout, on reste dans le même type de procédé. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir la figure d'un fond sans pour autant que ce fond soit une sorte de papier peint sur lequel se découperait la figure de manière artificielle. Donc l'enjeu est là. Créer un clair-obscur pour marquer la perception du spectateur sans pour autant donner le sentiment d'une figure découpée. On ne pourra pas tout dire sur la Joconde ce matin, Yann Blanc. On ne pourra pas tout dire sur Vinci, même en une semaine d'émission. On va quand même avancer dans le temps pour explorer la postérité de ce tableau. Voici comment André Malraux parle de la Joconde lorsqu'il inaugure l'exposition à New York. Car oui, il a prêté l'œuvre de la Joconde au musée de New York. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Gloire mystérieuse qui ne tient pas seulement au génie. D'autres portraits illustres peuvent être comparés à celui-là. Mais chaque année, quelques pauvres folles se croient Mona Lisa, alors qu'aucune ne se croit une figure de Raphaël, de Titien ou de Rembrandt. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis, je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Mais ceux qui ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Romans étaient beaucoup plus certains. Aux plus humbles d'entre eux, qui m'écoutent peut-être, je tiens à dire sans élever la voix, que le chef-d'œuvre auquel vous rendez ce soir, Monsieur le Président, un hommage historique, est un tableau qu'il a sauvé. Alors Yann Blanc, pourquoi est-ce un événement de prêter la Joconde? Alors, elle est d'abord allée à Washington et puis ensuite à New York au Metropolitan Museum of Art. C'est un tableau qui a fait l'objet de plusieurs vols ou tentatives de vol. Donc c'est un tableau qui, après ces incidents, a été protégé, n'a presque plus bougé. Et je crois même être certain de savoir que c'est la dernière fois que la Joconde a quitté le Louvre. C'est un discours intéressant. En fait, elle voyagera une dernière fois en 1974 au Japon. Ah oui. Et depuis, elle n'a plus jamais quitté le Louvre. Donc, la Joconde est devenue sédentaire au fil des années après avoir été nomade dans l'atelier de Léonard. C'est assez ironique. Oui. Mais ce texte de Malraux ce discours de Malraux est intéressant parce que c'est un discours religieux. Il parle comme un pasteur. Il nous parle du génie, il nous parle du mystère. Il a un peu une tonalité un peu misogyne lorsqu'il parle des folles aussi. Des folles qui se prennent pour Mona Lisa. Je pense que c'est un élément très important, c'est que la Joconde est devenue un objet de culte. C'est devenu un objet de culte au sujet duquel il s'agit d'avoir un rapport de croyance. Et il y a une phrase, on parlait de l'année et la race tout à l'heure, qui disait que Léonard, c'était l'artiste sur lequel on a le plus écrit « Dieu mis à part ». Donc on est vraiment dans cette idée d'une œuvre qui n'appartient plus à l'histoire de l'art, qui appartient à une sorte de culte de l'art, avec les problèmes que ça peut poser lorsque, en modeste historien de l'art, on revient à l'œuvre en expliquant que les mystères qu'on fabrique, que l'autoportrait de Léonard, ou l'autoportrait de son amant, disons qu'on a moins de chances de penser que c'est vrai plutôt que c'est faux, et que parfois il faut revenir aux sources, aux archives, à ce que l'on peut savoir, en transformant le mystère en incertitude. C'est un peu le problème qu'on peut avoir face à un artiste comme Léonard ou comme Van Gogh, par exemple. Transformer le mystère en incertitude, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la recette de ce succès. Il est impossible de comprendre aujourd'hui pourquoi une telle postérité pour la Joconde. Je pense indépendamment des qualités, oui. Il y a beaucoup de tableaux qui ont beaucoup de qualités. Enfin, c'est pas parce qu'il est plus, il a plus de qualités que d'autres tableaux qu'il est si connu. Oui. Là, je citerai de mémoire et donc mal une phrase de Rilke qui disait que la gloire, c'était la somme des malentendus déposés sur soi après sa mort. Je pense qu'il y a des raisons intrinsèques à la célébrité de Mona Lisa. son rôle dans l'histoire du portrait, mais aussi énormément de raisons extrinsèques. Son voyage vers la France, la façon dont elle a été utilisée comme modèle par les peintres français au XVIe siècle, les vols, la fameuse parodie, d'ailleurs très drôle et très intelligente, de Marcel Duchamp, L-H-O-O-Q, je vous la prononce lentement pour éviter d'être obscène, l'autoportrait en Mona Lisa de Salvador Dali. Vous n'avez fait qu'énoncer cinq lettres. Voilà, cinq lettres, c'est rien de grave. L'utilisation de cette œuvre dans la littérature, dans la poésie, dans les films, etc. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre est célèbre parce qu'elle est célèbre. Et c'est cette idée de célébrité sur laquelle thématise Malraux en comparant la célébrité de l'œuvre aux œuvres illustres. Les illustres peintres, d'ailleurs, c'est souvent, le terme d'illustre est souvent employé pour parler d'art, pour parler des artistes, pour parler des tableaux eux-mêmes, comme si finalement il y avait quelque chose, une sorte de hiérarchie inquestionnée. Et que la Joconde se trouverait peut-être à ce sommet. Il y a une forme de déférence aussi, quand même, spontanée à l'égard de cette œuvre. Une déférence, un respect lié au fait que sa célébrité est le produit des qualités qui ont été reconnues à cette œuvre. C'est pas simplement une célébrité abstraite, c'est une célébrité liée au rôle que les artistes, que les commanditaires, que les clients ont pu saisir dans cette œuvre, dans l'histoire du portrait. Donc c'est ce rôle de pivot qui a été identifié comme tel et qui a permis à l'œuvre de devenir célèbre. Y a-t-il eu des textes, des discours contre la Joconde? Des gens qui n'aiment pas ce tableau et qui expliquent pourquoi? Oui, alors on a des textes étonnamment laconiques, des descriptions de visiteurs de l'atelier ou des visiteurs des collections françaises au XVIe siècle qui nous parlent d'un tableau de jeune femme brune, ou à peu près après de cela. Donc le tableau n'a pas suscité toujours un enthousiasme débordant, ne serait-ce que parce que, évidemment, à partir du moment où le tableau est copié, varié, réutilisé, ces inventions deviennent un peu banales, parce qu'elles sont simplement prises par tout le monde, prises en compte par tout le monde. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on peut ne pas forcément être frappé immédiatement par cette œuvre. Mais on trouvera toujours, à toutes les époques, quelques artistes, quelques amateurs, quelques théoriciens à être intéressés par ce tableau, sous des angles d'ailleurs assez différents. N'en déplaise à Léonard de Vinci, ici on parle de peinture mais aussi de musique. On va se quitter avec une des très nombreuses chansons qui a Mona Lisa pour titre ou pour sujet. Voici la version de Nat King Cole. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Merci beaucoup Yann Blanc d'être venu nous parler de la Joconde ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art de la période moderne à l'université de Genève et que vous êtes l'auteur entre autres d'un ouvrage magnifique sur Léonard de Vinci aux éditions La Martinière. Merci. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Guillaume Ledu. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Léonard de Vinci. Demain, ce sera le philosophe Jacques Derrida qui viendra vous parler de la Sainte-Anne. D'ici là, si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site internet de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Si vous cliquez sur l'onglet Chemins de la Philosophie, vous pourrez réécouter l'émission en ligne et même la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.